mérite. Ça c'est VG Jim de Gagno. J'avais les deux mains sur tes épaules. Si seulement tu pouvais sentir le bruit de mon âme. Je suis touché. Je n'ai pas fait semblant de jouer un rôle. Je me serais caché sous tes paupières pour retenir tes larmes. Si t'es touché, je pourrais m'arracher le cœur pour que tu n'aies plus peur. Car tu m'as touché, touché, touché dans le cœur. J'ai comme une épine dans le cœur, la plus belle des douleurs. Car tu m'as touché, touché, touché dans le cœur. Tellement tu m'as touché, touché, touché, touché dans le cœur. Tellement tu m'as touché, touché, touché, touché dans le cœur. Le poids de toutes tes peines sur mes épaules. Te dire je t'aime ne suffit pas pour montrer mon amour. Même si je te le dis tous les jours, je te vois dans un miroir, t'es mon binôme. Je pourrais passer toutes mes journées à te faire la cour. Comme si j'étais Tupac Shakur. Je pourrais m'arracher le cœur pour que tu n'aies plus peur. Car tu m'as touché, touché, touché dans le cœur. J'ai comme une épine dans le cœur, la plus belle des douleurs. Car tu m'as touché, touché, touché dans le cœur. Tellement tu m'as touché, touché, touché, touché dans le cœur. Tellement tu m'as touché, touché, touché, touché, touché dans le cœur. Repartons à zéro tous les deux. Repartons à zéro tous les deux. Repartons à zéro tous les deux. Repartons à zéro tous les deux. Je pourrais m'arracher le cœur pour que tu n'aies plus peur. Car tu m'as touché, touché, touché dans le cœur. J'ai comme une épine dans le cœur, la plus belle des douleurs. Car tu m'as touché, touché, touché dans le cœur. Touché, touché dans le cœur.